Rousseau insiste alors longuement sur la nécessité de séparer les sexes, ce qui est, dit-il, conforme à la nature. Et surtout, il faut organiser les loisirs ouvriers. Tous les dimanches, Milord, après le prêche du soir, les femmes se rassemblent encore dans la chambre des enfants, avec quelques parentes ou amis qu'ils invitent, tour à tour, du consentement de madame. Là, en attendant un petit régal donné par elle, on cause, on chante, on joue au volant, ou à quelque autre jeu d'adresse, propre à plaire aux yeux des enfants, jusqu'à ce qu'ils s'en puissent amuser eux-mêmes. La collation vient, composée de quelques laitages, de gaufres, d'échaudés, de merveilles, ou d'autres mets du goût des enfants et des femmes. Le vin en est toujours exclu. Et les hommes, qui dans tous les temps, entre peu dans ce petit gynécée, ne sont jamais de cette collation, où Julie manque assez rarement. J'étais jusqu'ici le seul privilégié. Dimanche dernier, j'obtins, à fort d'importunité, de l'y accompagner. Elle eut grand soin de me faire valoir cette faveur. Je fis un goûter délicieux. Est-il quelque mets au monde comparable au détail de ce pays? Pensez ce que doivent être ceux d'une laiterie où Julie préside et manger à côté d'elle. Il régnait dans cette petite assemblée un certain air d'antique simplicité qui me touchait le cœur. Je voyais, sur tous les visages, la même gaieté et plus de franchise peut-être que s'il se fût trouvé des hommes. Ce n'est rien, Milord, de contenir les femmes si l'on contient aussi les hommes. Et cette partie de la règle, non moins importante que l'autre, est plus difficile encore. Comment contenir des domestiques, des mercenaires, autrement que par la contrainte et la gêne? Tout l'art du maître est de cacher cette gêne sous le voile du plaisir ou de l'intérêt, en sorte qu'ils pensent vouloir tout ce qu'on les oblige à faire. L'habitude du cabaret, le commerce et les maximes de leurs camarades, la fréquentation des femmes débauchées, les perdant bientôt pour leur maître et pour eux-mêmes, les rendent par mille défauts incapables du service et indignes de la liberté. On remédie à cet inconvénient en les retenant par les mêmes motifs qui les portaient à sortir. Qu'allait-il faire ailleurs? Boire et jouer au cabaret. Ils boivent et jouent au logis. Toute la différence est que le vin ne leur coûte rien, qu'ils ne s'enivrent pas et qu'il y a des gagnants au jeu, sans que jamais personne perde. Le maître et la maîtresse les honorent souvent de leur présence. On y amène quelquefois les enfants. Les étrangers même y viennent, attirés par la curiosité. Et plusieurs ne demanderaient pas mieux que d'y concourir. Mais nul n'est jamais admis qu'avec l'agrément des maîtres et du consentement des joueurs, qui ne trouveraient pas leur compte à l'accorder aisément.